Audiomatique. Fuiste más que... Amorcer la transmission 402 d'Audiomatic. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet vénézuélien Arca, mené par Alejandra Guerci Rodriguez, qui a collaboré entre autres avec Bjork, Kanye West, The Weeknd, Frank Ocean et Planning to Rock. du EP intitulé Madre et paru en 2021. Nous entendions la pièce-titre. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le projet américain CARM. s'agissait à Audiomatique du groupe canadien Frontline Assembly et sa composition Komm stirbt mit mir de son plus récent album intitulé Mechanical Soul et lancé en 2021. Tout juste avant, nous avions droit au projet américain Karm, mené par le trompettiste Carmen Jonathan Camerieri, qui a travaillé avec Paul Simon, Bon Iver, Sufjan Stevens, Rufus Wainwright, The National, Sean Lennon et Belle and Sebastian. De son album homonyme sorti en 2021, il nous présentait la pièce Invisible Walls. Et c'est maintenant sur la musique du projet Conjure One que se poursuit Audiomatic. À Audiomatic, nous venons d'écouter la formation Integral et la pièce Atacama, sur laquelle on peut entendre le violoniste Miko Mikulic. La pièce se trouve sur l'album double de Integral intitulé The Past Is My Shadow. Avant cela, nous écoutions la formation suédoise Carbon-Based Life Forms et sa pièce Bitula Pendula, tirée de l'album World of Sleepers, qui est sorti en 2006. Et nous amorcions cette séquence sur la musique du projet Conjure One, mené par le compositeur canadien Rhys Fulber, d'ailleurs également membre du groupe Frontline Assembly que nous avons écouté plus tôt durant cette transmission d'Audiomatic. Donc, du tout nouvel album de Conjure One intitulé Innovation Zero, nous avons entendu la pièce Abkhazia. En conclusion de cette transmission 402 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe suédois Viagra Boys, tirée de son troisième album Cave World, sorti le 8 juillet 2022. Nous entendrons la chanson Return to Monkey. La transmission 403 prendra place sur les ondes de CFOU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h, alors qu'elle fera également sa place quelques jours plus tard dans les archives d'Audiomatic, auxquelles il est toujours possible d'accéder moyennant une visite sur nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc le groupe Viagra Boys et sa chanson Return to Monkey. C'était Audiomatic avec les sonoristes. installed. A murder takes place in Japan. Someone's head is cut off in an office. The staff do a great job of cleaning. The area is marked off and covered in plastic. And then a crew shows up and moves the furniture, which is meticulously cleaned, while the old carpet is quickly removed and a new carpet is installed. Very quickly. Everything is put back to normal. Everyone is quite pleased with themselves. They kept their cool in a stressful situation. It's been a good day. It's been a good day. Each other out here.